N'ont pas les clés, c'est suicidaire. Tout simplement parce que je suis sombre. Éteignez les lumières, je pose mieux dans l'ombre. Suicidaire. Comme faire du mal à mes sœurs, à ma mère. Comme vouloir serrer la mère de mon fils, c'est suicidaire. Comme quand les frères allument l'arme de guerre. Demande aux keufs s'ils sont à l'aise quand ça tire, mais sans son tard. Parce que ces petites connes, des vers connes sans vers connes. Et de mon nom, respect s'étonne, mais sans son tard. Parce que toutes les routes mènent à Rome. Bitox, dealer, nous on passe par Bologne, mais sans son tard. Parce que ma rage et ma sagesse s'emmerdent. Trop de questions sans réponse dans ma tête, mon sang s'adhère. Parce que le devoir de faire et de se taire devient le droit de tout niquer, je répète à terre. Parce que Ferrari en tailleur est un leurre. Les vrais sujets sont ailleurs, mon sang s'adhère. Parce que la police assassine les calmants. Je pense aux absents et leurs parents. Suicidaire. Parce que le million est aussi une religion. Et qu'elle aussi c'est fanatique. Suicidaire. Tu sauras jamais vraiment qui je suis. Cherche même toute ta vie. Je resterai un mystère. Suicidaire.